Y a pas de groove, hein. Non. C'est presque de se moquer de mec. Bonsoir à tous. Bonsoir Numu 38000. Bonsoir. Numu. Bonsoir, oui, c'est Numu. 38000. Oui, oui, c'est Numu. Numu, je suis là. Ouais. Merci de m'avoir invité. De rien, bah, merci d'avoir apporté ton sujet. Parce que voilà. C'était moi qui a eu l'idée ou. Ben, je crois, non. Peut-être, je me souviens vendredi dernier, ouais. Il me semble. Ou une idée. Bon, c'est au cours d'une discussion. Ouais. Faux reggae. Faux reggae, ouais, donc moi j'étais pas d'accord sur le terme faux reggae parce que je trouvais ça un peu essentialiste, mais bon. Moi j'avais dit. Reggae, moi ouais. J'ai dit que je pense que le seul reggae, vrai reggae, c'est le reggae jamaïcain. Ouais. Et dans les années plutôt 80, je crois, il y avait pas mal d'artistes qui voulaient copier le reggae ou faire, comment dire. Ils ont dit, ah. Bon, on va faire un morceau reggae sur ce disque. Ouais. Et c'est un parce seul que morceau. C'était populaire. Oui, oui, un peu. Je crois que c'était post Bob Marley. Un peu. Ouais. C'était comme un exercice, quoi. Ouais. Ouais. Donc on va un petit peu explorer ça. Donc le reggae qui ne vient pas de Jamaïque, on peut dire. Ouais. Voilà. Ouais. Pseudo reggae, faux reggae. Ouais. Donc finalement c'est du reggae. Qui ne garde que la forme, quoi, ouais. Du reggae. Ouais. Enfin, ou même pas la forme, un aspect très technique, mais froid. Ouais. Enfin, c'est ouais. Juste. Comme ce qu'on écoute, voilà. Qui est un peu le reggae. Qui fait presque dub. Ouais. Enfin, parce que du coup, c'est un peu. Mais très machine. Ouais. Voilà. Reggae de robot. Ouais, reggae de robot, ouais. Un peu dévitalisé des. Déspiritualisé, on ouais, va dire. Ouais. Et d'ailleurs, on peut dire ce que c'est Mobius and Plank. Ouais. Voilà. Rastakraut Pasta. Je crois voilà. Que c'est le disque aussi, c'est Rastakraut Pasta. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, donc là, c'est clairement c'est un truc conscient, c'est une parodie de reggae, mais ouais. Faite en pleine ouais. Conscience. Pour rigoler. Et le Rastakraut, c'est aussi de se moquer de soi aussi, des Allemands qui se moquent de soi aussi. Ouais, ouais. Rastakraut. Bon. Ouais. Parce qu'il y avait des. Dans le milieu, oui, il y avait sûrement des sortes de hippies Rasta dans le milieu, ouais. Contre-rock, ou ouais, ouais. Dans ces années-là. Les Rastes qui mangeaient des pastas. Mangeaient des pastas sans gluten, déjà. Yes. Eh ben, on va. Donc on a qu'une heure aujourd'hui, on va essayer d'aller vite. Moi j'ai plutôt des morceaux plutôt de reggae joués par des punks, donc des années 90 plutôt. Mmh. Avec un ou deux morceaux, voilà. Bon. Et toi c'est plus vieux, non? non, c'est pas un peu plus vieux. Un peu. Ouais. Non, toujours plus proche du jazz, qu'on va dire. À part, ouais, on va voir. Qu'est-ce qu'on met là, d'ailleurs, pour qu'est-ce que tu veux mettre? Moi, j'avais commencé avec Hallucination Company, Anivision. Okay. Alors, ça, c'est encore les Allemands. C'est des Autrichiens, en fait. Autrichiens. Ouais. Mais je crois que c'est un exemple de style reggae qui est vraiment bien, parce que c'est un peu une copie de reggae, mais je trouve que c'est un super morceau. Ok, ça marche bien. D'accord. Donc là, c'est du bon ou faux reggae. Oui, oui. Allez, c'est parti. Hallucination Company. Politics never leave for Satan. Ah oui, c'est le dub. C'est le dub qui commence. Yes. Bravo Gisèle, t'as gagné un disque en trouvant l'origine et le titre même du groupe de ce morceau. Israël. Israël. Israël, alors c'est ouais, on croit que c'est Israël. Bon, ouais, voilà. Blada, blada, blada. Et le morceau, c'était Wajinawe Babylon. Enfin, comme tout le monde. Voilà, donc Allemagne, Autriche, Pologne. Ouais. Et tout le reggae de l'Est. Reggae de l'Est, ouais. Debout, Europe centrale et Est. À quel pays on peut passer? On peut revenir peut-être de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, j'ai un morceau. Le Caetano Veloso. C'est un morceau de solo reggae brésilienne, ouais. Des années 80 aussi. Oui, je crois que. Parce que moi, j'ai pas mal de trucs. Allemande et ouais. Moi j'ai un truc suédois. Moi c'est plus punk, alors peut-être qu'on peut rester dans un truc. D'accord, on peut faire Brésil puis Suède puis. Ouais, Brésil, Suède, ça me semble pas mal. D'accord. Alors ça c'est 9 out of 10 de Caetano Veloso. Je crois que c'est une deuxième version de morceau qui il a fait une version plus reggae. Mais, Box set 20. Ah non, bah, c'est pas ça. Ouais. Et l'album c'est Vélo. Ah non, c'est le titre de la compilation, non, on dirait. Bon, ouais, je sais pas. Ouais. Allez, on écoute ça tout de suite. Caetano Veloso. Bella Road to the sound of reggae. I'm alive. The age of gold is the age of old. The age of gold, the age of music's past. Hear them talk as I walk, as I hear them talk. I hear they say, expect the final blast. Walk down Portobello Road to the sound of reggae. I'm alive. I'm alive and vivo, muito vivo. Feel the sound of music banging in my belly, belly, belly, belly, belly. Know that one day I must die. I'm alive. And I know that one day I must die. I'm alive. I'm alive and vivo, muito vivo. In the electric cinema or on the telly, telly, telly, telly, telly. 9 out of 10 movie stars made me cry. I'm alive. Yes, 9 out of 10 movie stars make me cry. I'm alive. 9 out of 10 film stars make me cry. I'm alive. Yeah, yeah, yeah. I'm alive and vivo, muito vivo. In the electric cinema or on the telly, telly, telly, telly, telly. 9 out of 10 movie stars make me cry. I'm alive. Yes, 9 out of 10 movie stars make me cry. I'm alive. Yes, 9 out of 10 movie stars make me cry. I'm alive. Yeah, yeah, yeah. Ah. Yeah, yeah, yeah. Ooh. Yeah, yeah, yeah. Ah. Yeah, yeah, yeah. Ooh, ooh. Yeah, yeah, yeah. Ah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ah. Yeah, yeah, Alors, c'était Mylène Collin, le groupe suédois de punk. Punk rock, skate punk. Skate punk, ouais. Voilà. Ska, skate, skate. Ska, skate punk, ouais. C'est l'album Use Your Nose, un EP. Voilà. Sur Burning Heart. Quelle année, tu sais Mylène Collin, 80, je sais pas, 15, 14, ouais, 13, c'est un truc comme ça, ouais. Ouais. Comme ça, ouais. Autour de ça. Yes. Et là, on écoute derrière Lester Bowie. Ouais. I only have eyes for you. C'est le titre du morceau, non? C'est l'album disques. Coming Back Jamaica. Coming Back Jamaica. Ouais. Voilà. Un peu bizarre. C'est très pseudo reggae aussi. Ouais, ouais. Au moins le truc. Comment on va dire la particularité du reggae, c'est ces accords joués. Comment tu dis là, pop, ouais, qui peuvent être à la guitare ou au piano. Ouais. Et là, c'est au, je sais pas, au tuba ou. Bon, bah. Mais ce ska punk de Mylène Collin, ça m'a fait penser à ma jeunesse. C'était en fait, j'étais en train de te dire que c'était mon début dans la musique. C'était la première fois que j'ai joué la musique avec des potes dans une fête des autres potes. C'était un groupe de ska punk. C'était des compos, vous faisiez des reprises? Il y avait quelques compos, mais c'était des reprises aussi de Operation Ivy et, ouais. Des trucs comme ça. Est-ce qu'il y avait par exemple, ce morceau? Ah oui, on n'a pas fait une reprise de ça, non. Mais c'était sûrement notre... Je crois que ça vient de sortir, ce disque, ouais. Quand on faisait notre groupe. Et j'avais écrit un morceau qui s'appelle Hey Officer. C'est pour les polices qui font chier aux skaters. Parce que c'était vraiment un skate ska, ska ouais, skate punk groupe. Mais il n'y avait pas du tout de morceau de punk. Si, il y avait une morceau si, de ouais, punk après. Okay. Ouais. C'était punk, ouais. Skate punk. Eh ouais, ça fait partie du pseudo-reggae. Ouais. De quoi? L'appropriation, est-ce ouais. qu'on va le dire? Et le Clash aussi, le Clash. C'est le Clash, ouais, j'avais prévu. Ouais. Ah d'accord, oui. T'as trouvé les meilleurs. Ouais. Bah ouais, qu'est-ce qu'on fait? On les met maintenant ou quoi? Bon là, moi, j'ai l'eau à la bouche. Ouais. Allez, on le met? On ouais, met le Clash? Vas-y. Allez. Day by day. Junior Mervyn, produit par Lee Scratch Perry. À l'origine. Oui. Le disque. Non, oui. Sinon c'est les Clash. Oui, oui. Ouais. Bah, moi je préférais cette version-là à la version originelle. Ouais. Voilà. C'est le double temps, parce que le reggae c'est toujours lent. Alors des fois le sud reggae, on fait le double temps comme double, ça. Bien sûr. Ouais. Parce que dans le reggae avec ce rythme, ça serait deux fois plus lent. Non. Mais je crois que c'est plus rapide surtout, non? Non mais ça, le rythme dans l'original, ça serait, c'est deux fois plus lent. Ouais, ouais. Oui, mais oui, oui. Ça c'est... Ouais, d'accord. Comme ça. Ouais. Voilà. C'est la fin, non? On va couper un peu. Oui, on va mettre long, le prochain c'est morceau. Long, non, bah oui, c'est 6 minutes. Oui, c'est long pour allez. Un morceau de reggae. On passe au... Big Bobby. Produit par Bob Dylan. Sly Robbie. Sly Dunbar. Sly Robbie, Mark Knopfler et Bob Dylan. Yes. Dylan, pardon, Bob Dylan avec Mark Knopfler, comme on l'a dit. Ouais. C'est le seul morceau le reggae de l'album. Il y a Sly Robbie qui joue dans tout le disque, pour tout d'accord. le disque, mais c'est le seul morceau qui est vraiment pseudo reggae. Les autres sont juste les morceaux de Bob Dylan avec Sly Robbie qui joue. Il y a quelques morceaux très bien sur le disque. C'est toujours dans son phase chrétienne aussi. Alors c'est un peu... Chrétienne, ah bon? C'est presque... Oui, comme... Parce qu'il s'est converti. Ben oui. Ah oui. Non, moi je connais... J'aime pas du tout Bob Dylan. Ah, je oui, sais rien sur lui. Moi j'aime beaucoup Bob Dylan. Oui, il est devenu chrétien dans les années... Fin des années 70. Je me souviens pas les dates, mais c'est Saved, The Snow Train Coming and Infidels. Ce sont les trois disques... Chrétien, Born Again. C'est un peu comme le Born Again, ça avec Slane Robbie, avec le Rastafari aussi, ça fait un peu le, ça fait écho, le, l'écho, le, je crois, ouais. La musique. Parce que le reggae, le, pas tout le reggae, mais beaucoup de reggae, et la musique religieuse aussi. Ouais, ouais. Enfin, c'est pas la même religion, quand même. Ouais, vrai, c'est, mais c'est, oui, c'est plus. Ouais. Born again, une extension du christianisme. Ouais. C'est le Rastafari. Moi, ouais, je sais même pas si Slane Robbie, ils sont Rastafari. Ah, ils sont capitalistes. Oui. Pour ce disque, oui, sûrement. Je crois. Ouais, c'était, bah, ils ont c'était... quand même joué aussi avec Gainsbourg. Hein. Ouais, bon. Ouais. Enfin, avec. Ils jouaient avec n'importe tout, qui. Avec n'importe quoi. Qui. Session. Mais tant mieux pour eux, oui. Ultimate Session Musician. Ouais. Non, non, mais y a pas de problème. Tant mieux pour eux. Allez, on passe à un autre style de pseudo reggae. Yes. Christian soldier. Celui qui trouve, il aura un cadeau aussi. Ah, oui. With the cross of Jesus going on before. Armed Christian soldiers marching as to war. With the cross of Jesus stashed behind the door. Is militia for a nation? What should we do? The world is hard. We say, what should we do? The world is hard. What should we do? The world is hard. We say, what should we do? The world is hard. The world is hard. The world is hard. Militia for a nation is the army in the field. Already for the field upon a a beast with a belly for a feast, and the army must be fed. Wherefore it will be led to the pastures you have, and the pastures you have will come to the balance of property, and the public sword, if it is not just a word, will be the balance of property. The balance of property. Be the balance of property. What should we do? The world is hard. We said, what should we do? The world is hard. What should we do? The world is hard. C'est que c'est du faux reggae. Bon là, ok, ça s'entend. La voix est très devant. Ouais. Il y a, c'est pas très, voilà. Comment c'est, ouais. L'anglais est assez. Ouais. C'est le. Alors ça c'est de. Avant on avait Red Crayola avec de. Chicago. Chicago reggae. Ouais. Indie. Chicago indie reggae. Indie reggae, ouais. Ça c'est le German indie reggae. Quelle ville allemande? Je crois qu'ils viennent de Cologne. Et c'est drôle parce qu'on est en train de boire une Kölsch de Cologne. C'était pas prévu. Prost. Prost, oui. Hop. Mais ça, c'est Workshop. Un groupe. Moi, j'aime bien ce groupe. Un peu indie. Un peu étrange. Des années 90 et 2000 allemandes. Ça, c'est de leur disque Welcome Back to Workshop. You can be good at things. Et pareil, c'est l'unique morceau un peu reggae de l'album. D'accord. C'était vraiment, je crois que c'était vraiment bon. Ce soir, on va faire un morceau reggae. Ça t'est dit? Ouais, ouais. Ok. C'est souvent ça, hein, comme on disait. Ouais, ouais. Ouais. Même des illustres artistes comme Francisco Davis ou Moulin-Sarico, ils font un morceau reggae. Oui, un morceau reggae. Pour le fun. Quoi. Mais en fait, je dois dire pour le Francisco Davis, il y a deux morceaux ska et un morceau reggae. Alors, okay. Ça commence à devenir sérieux. On pourrait pas tard. Les écouter. Ouais. Plus tard. Oh, oui, tard. Il est moins 20, le temps passe vite. Ah oui, d'accord. Passe le Moulin-Sarico alors. Ah ok. Allez, c'est parti. Alors ça, c'est du pseudo-reggae grenobloise par un artiste qui est très, très connu dans Grenoble. Il s'appelle Nicolas Murier. Ouais. Et ça s'appelle Moulin-Sarico. Ouais. Et la basse, c'est Nate Davis qui joue. Ouais. Voilà. C'est un bassiste très connu à Grenoble. Ouais, très connu. Un musicien très connu à Grenoble aussi. Une star. Et il joue aussi il a joué dans City Band aussi. Ah oui, d'accord. Peut-être un peu plus connu. Ouais. Tu avais lu dans les In Rock. Ouais. On fait partie de l'underground parisien. Ouais. Bon allez, on se met ça pour le plaisir. C'est bien sûr faux car sinon chanson. Qu'est-ce qui pousse à faire quoi que ce soit? L'insatisfaction, le manque d'éducation. On veut tous laisser une trace, je crois, une empreinte carbone, une paire de dragons. Je n'ai pas d'autre ambition que d'user mon caleçon. C'est bien sûr faux car sinon je chanterai pas cette chanson. Thank you. quoi comme boîte à rythme? C'est mon Korg DDD1. Ah oui. C'est celui que j'ai ici, yes. Que j'aime beaucoup. Avec dans une reverb. Oui, c'était joué à travers une petite ampli avec du reverb, ouais. Qu'on a utilisé pour enregistrer tous les trucs de Francisco Davis et la plupart des trucs pour Francisco Franco aussi. Donc c'est Francisco Davis, c'est toi à la guitare. Non, plutôt c'est toi à la basse. C'est Rob à la guitare, c'est moi à la basse. Donc yes. C'est moi, c'est moi ça. Ouais. Très bien. Ah bon, donc ça c'est du vrai reggae. Oui, ça c'est du vrai reggae. En fait, le morceau avant c'est du vrai reggae aussi. Ok, voilà. Moulin Série. On a fait des petites, petites exceptions. Les seuls deux morceaux du vrai reggae qu'on passe aujourd'hui. Ok. Mais maintenant on est de retour avec maintenant, le on est reggae avec voilà. Lou Reed. Lou Reed, New High in the City. Ouais. New Sensations. Super disque. C'est vraiment bien. Je crois que je le connais pas, ce disque. C'est bien, Sensations. C'est New Sensations, c'est un des meilleurs morceaux de Lou Reed. J'aime beaucoup. C'est quelle année? C'est 84. Ouais. Après The Bells? Non, avant The Bells. Oula. Ah oui, d'accord. Ouais. 84? Ah, oui. Oh, 84. Tu gagnes une disque ou pas? Ouais. Mais je... Yes. Ok, très bien, très bien. Ah oui, avec le steel drum aussi. Ouais. Ah oui, il se regarde en train de jouer au jeu vidéo devant lui-même. Ah oui, ça c'est génial, cette pochette. Ah mais je connais pas City Lights, c'est le prochain. Ouais, d'accord. Bon, il a tellement en fait de disques. Ouais, c'est là qu'on comprend. Bon, bref, c'est un peu nul. Bref. Très bien. Je crois que c'est le seul morceau que Lou Reed a fait dans toute sa carrière aussi. Le seul morceau qu'il a fait ah bon. le seul morceau reggae. Ah oui, ouais, de toute sa carrière, ouais, j'imagine. Ouais. Bon, et bien sûr, il dit high, il utilise le terme high. Oui, c'est pour ça, il dit ah, high in the city. Bon, fait un petit truc reggae. Bon, bref, ok. On allait mettre autre chose. Ah oui, l'original de Life is Life. Ah oui, tu veux passer ça, d'accord. Ouais, oui. Non. Oui. C'est pas ça qu'on voulait mettre, si. Oui, alors on va retourner en Autriche. Ouais, on a un fait assez des trucs américains. Et après, on reviendra en France. Ouais, ah voilà. Oui, c'est ça, ouais. Ça marche? Très bien, ouais. Donc c'est Opus. Life is Life. Is Life. not no police telling me just what to do. I am not talking about rock and roll. They drive in squad cars, uniformed, nothing's wrong till they get that radio call. Don't want no police on the radio. Just want some peace between everyone, you know. If we behave ourselves and not be so damn evil, we would not need protection from ourselves, by ourselves, between ourselves. From ourselves, by ourselves, between ourselves. Don't want no peace. Don't want no peace. Just want some peace between you and me. Don't want no peace on the radio. Avec une rate des bidons. C'est une question de vibration. Imagine nous deux sous l'équateur, en Range Rover avec stéréo et climatiseur, nager dans l'eau d'un lagon. Quel pied, yes. Viens, partons. Babesse, Babesse, bébé reggae. Ouais, c'est même pas du reggae. Oui, c'est même pas du reggae. Mais ça, c'est un discount, c'est toi que je T'as chiné. Non, j'ai pas trouvé, mais chaque fois que je regarde les discount 5 tours dans un Emmaüs, j'espère trouver celui-ci. Et tu l'as trouvé? Non. Et sur Discogs, ça coûte 50 balles aussi. Ouais, c'est, ça m'étonne pas. Ouais. C'est genre, ça a dû ressortir sur une compile, je sais pas quoi. J'imagine. Là, c'est comme le lait de coco, là. Tu vois ce titre-là? Maya, ah, oui. Lait de coco. Oui. Ça, c'est le même genre de... Ouais. Bref. Bon. Ok, Babesse. Donc tu dis que c'est la chanteuse apparemment, c'est un ex de Johnny Hallyday. Bon, les paroles sont toujours un peu douteuses. Enfin, bon, c'est ce truc. Un peu colonialiste. Bah, écoute, ce son, voilà, il tape sur des bidons. C'est hyper profond. Le truc, le sauvage, l'animal, ouais. Dans la maison coloniale. Ouais. Yes. Bon. Voilà, mais bon, c'est même pas de reggae. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est le propos du morceau, non? Écoute, écoute bien ce mot, c'est pas du reggae. Écoute, tu crois que c'est du reggae, ça? Oui, non, c'est bon, pas bref. Du reggae. Bon. Mais c'est pas mal. Alors on va. Écoute ce qu'ils font avec une gratte et des bidons. Voilà, écoute ce qu'ils font avec une gratte et des bidons. Ah oui, c'est impressionnant. Bref. Alors. Bon. Allez, on enchaîne avec un de mes morceaux favoris qui rappelle. Mon adolescence, yes. Comme tout le monde, Burning Get avec Big D, pardon. Do it. C'est français aussi. Ah non, mince, je me suis trompé. Voilà. C'est ska plutôt. Hein. Un peu chiant ce morceau, mais bon, pas si mal. Allemand, non, je pense. Oui, c'est Scala. Et on reste en Allemagne avec Rhythm and Sound. C'est le projet reggae de Basic Channel. Ok. Et ça, c'est. Moi, je trouve ça super, mais ça, c'est vraiment du pseudo reggae parce que c'est le. Reggae. Ouais, très bien. Techno reggae, ma chaîne. Ok. Oui. Dub techno reggae. On s'écoute ça et après, moi j'ai un super morceau à mettre, tu vas voir. D'accord. Allemand aussi et plutôt qui est dans l'esprit proche de, ouais. De ça. Ça c'est Friend Version. Yes. Sur le CD The Versions. Rhythm and Sound. Alright. Thank you. saw you standing there. Please don't deny it. Waiting for the show to start. I left feeling low. Did you feel the same way I did? Alone with a broken heart. So radio, radio, get us through the night. When pop heroes go down without a fight. 500 poggers were in the house tonight. Looking good and feeling right. So your eyes are burning bright. Let the truth be told. The one last chance for us tonight is to turn on the radio. sitting by the telephone. Baby, won't you call my number? I'm sitting by the telephone. Tell me, won't you please be there? I'm sitting by the telephone. Tell me, won't you call my number? Like it's been that some roof is down. Three shots right out of here, I'm dead. The new king is crowned.